Que fut Maintenon pour Madame de Maintenon ? Assez étonnamment, c'est une question qui n'a que rarement été posée jusqu'à présent, malgré la profusion d'écrits que l'on peut trouver sur Françoise d'Aubigné. En réalité, jusqu'à présent, on a principalement deux études qui ont été publiées sur ce sujet, celle de Françoise Chandernagor et Georges Poisson en 2001 et celle de Dominique Picot, que j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi, en 2012. Mon intention donc aujourd'hui est de revenir sur cette facette largement méconnue en proposant d'observer Françoise d'Aubigné comme dame puis marquise de Maintenon, en l'observant dans le rapport à ses terres et à sa fortune patrimoniale. Pour entrer en dialogue avec mes prédécesseurs ayant travaillé le sujet et y apporter un regard nouveau, j'ai travaillé à partir des sources dites de la pratique, notamment les sources financières, les actes notariés, les actes de l'administration royale, ainsi que les arrêts rendus par les cours souveraines, qui sont conservés essentiellement à Paris et aux archives départementales d'Eure-et-Loire. L'achat de Maintenon est généralement considéré comme une étape fondamentale dans la construction de la fortune, aussi bien matérielle que sociale, de Françoise d'Aubigné. Il serait, cet achat, donc, en quelque sorte un marchepied ayant permis à Françoise d'échapper aux difficultés du passé pour accéder à une certaine aisance matérielle, à la cour, au roi. Mon intention aujourd'hui est de revoir quelque peu cette idée, ou tout du moins de restituer tous les enjeux qui ont accompagné cette acquisition. Qu'a réellement représenté son domaine pour Françoise d'Aubigné ? Quelles ont été les implications, aussi bien positives que négatives, d'un tel investissement ? Une autre question guidera mon propos de manière plus sous-jacente, à savoir la question de la part que Françoise d'Aubigné a pu prendre dans la construction de sa propre fortune en tentant de distinguer son implication personnelle du rôle joué par la faveur royale. Donc je vous propose d'aborder tous ces points en trois parties, de manière assez classique. Je vais d'abord procéder à une synthèse sur la construction de la fortune patrimoniale de Françoise d'Aubigné en suivant un ordre chronologique. Et ensuite, dans les deux dernières parties, je reviendrai sur des points plus spécifiques. D'abord, la question des enjeux sociaux et honorifiques que recouvre cette acquisition. Et dans un troisième temps, je reviendrai cette fois sur les aspects plus proprement économiques en m'interrogeant finalement sur les avantages mais aussi sur les inconvénients liés à la possession du domaine de Maintenon. Lorsque pour la première fois Françoise d'Aubigné fait part dans ses lettres de sa volonté d'acheter une terre en juillet 1674, elle ne possède rien ou presque. Elle n'a rien hérité de son père, Constant d'Aubigné, ni de son mari qui a surtout laissé des dettes. Donc on pourrait y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait en juillet 1674, elle touche à ce moment-là seulement une pension de 6000 livres, ce qui est relativement important mais nécessaire pour vivre à la cour. Pension qui avait été accordée pour les services rendus auprès des bâtards de Louis XIV et de Madame de Montespan. Mais à compter de l'été 1674, sa situation financière va changer radicalement grâce à un don très important que lui fait le roi à hauteur de 200 000 livres. Donc on a deux sources qui sont généralement mobilisées pour attester de ce don, la correspondance de Françoise elle-même, bien sûr, et les mémoires du duc de Saint-Simon, qui donnent une version des faits particulièrement acerbe, à laquelle je vous renvoie, bon, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'elle est particulièrement critique et qu'elle qualifie Françoise d'Aubigné de créature qui finalement bénéficie de la largesse royale par le biais de Madame de Montespan. Alors j'ai essayé de retrouver la trace de ce don dans les sources de la comptabilité royale et il s'avère que c'est loin d'être aussi évident qu'il n'y paraît. Finalement, dans les registres de finances, j'ai trouvé une seule gratification, c'est le mot qui est utilisé, de 144 000 livres, qui est accordée par Louis XIV, je cite, « en considération de ses services ». Donc, sous-entendu, les services rendus auprès des bâtards royaux, je suppose. Une large part de ces 144 000 livres est portée sur la ferme du tabac, et on peut fortement supposer que le roi a complété ce premier don par un second, puisque dans un compte que rend l'intendant de Françoise quelques années plus tard, il mentionne bien pour les années 1674-1675 une recette de 200 000 livres. Alors, je ne parle pas du privilège d'exploitation que reçoit Françoise en parallèle, au même moment, un privilège sur les fours des boulangers, parce qu'on ignore en fait combien cela a pu lui rapporter exactement. Donc, à peine a-t-elle reçu ses 200 000 livres que Françoise cherche à convertir cet argent dans l'achat d'une terre. Donc, les historiens ont donné plusieurs explications à ce geste. La fragilité de sa position à la cour, les conflits avec Madame de Montespan, la recherche d'une certaine tranquillité, mais aussi, comme l'a souligné Dominique Picot, la volonté, je cite, de répondre à un impératif identitaire, noble, masculin, celui de s'enraciner dans une seigneurie. Et donc j'y reviendrai tout au long de mon propos. Donc l'occasion se présente à la fin de l'année 1674 avec la terre de Maintenon. Le vendeur est Odé de Riant, marquis de Villeray. Il avait racheté ce domaine l'année précédente à son beau-frère, Charles-François d'Angennes, mais il n'était pas parvenu à éponger les dettes et donc il se voit contraint de s'en séparer à la fin de l'année 1674. L'acte de vente, donc, que vous pouvez voir à l'écran, donc c'est la minute qui est conservée chez le notaire parisien. Cet acte est signé par les vendeurs et par Françoise le 27 décembre 1674. On y trouve une description assez sommaire du bien qui est cédé, donc que voici. Donc je ne vais pas vous faire la lecture entière, simplement le début. Il s'agit donc de la terre, seigneurie et châtellenie, c'est important de le noter, de Maintenon et celle du parc, sise au pays chartrain, avec les fiefs acquis et annexés aux dites terres de Maintenon et du parc, consistant, et donc là on a le détail des droits qui sont attachés à chacune de ces deux terres. L'ensemble représente environ 25 arpents, soit 10 hectares à peu près, et le prix est fixé à 240 000 livres. Quelques semaines après la signature de ce contrat, Françoise requiert la réalisation d'un procès-verbal pour recenser les travaux à faire sur le domaine, considérant, je cite, qu'il y a grand nombre de réparations à faire qui sont considérables. Une enquête est rendue par le Châtelet. Elle rencontre des chantiers à lancer dans plusieurs domaines, notamment les maçonneries, les toitures, les charpentes, les serrures, les jardins et les vignes. Donc on retrouve mention de ces travaux dans les lettres de Françoise. Alors simplement à noter que parmi les chantiers les plus notables, on a l'aménagement du jardin par André Le Nôtre, qu'on peut apercevoir ici sur des gravures anonymes, vers 1676, et la construction d'une nouvelle aile vers 1685-86, j'y reviendrai plus loin. Françoise ne se préoccupe pas seulement de faire réparer, embellir et construire des bâtiments, elle se préoccupe aussi d'étendre son domaine. À plusieurs reprises, elle va acquérir des petites portions de terre par le biais d'échanges avec des propriétaires locaux, mais surtout, en 1679, elle va s'arranger avec la comtesse de Nogent, donc qui est la sœur du fameux Lauzin, pour acquérir de nouveaux fiefs qui sont situés à l'est de Maintenon, donc fiefs appelés Pierre, Teneuse ou Tanneuse, et Bois-Richeux. Donc le total lui coûte 34 000 livres. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'ai tracé sur cette carte les noms des villes concernées. Donc évidemment, ça ne correspond pas aux frontières des seigneuries qu'on ne connaît pas exactement, mais au moins ça donne une idée de la proximité de ces domaines. Dans le but de conduire les eaux de l'Eure au château de Versailles, Louis XIV ordonne en 1685 des travaux pour la construction d'un aqueduc dans le territoire de Maintenon. Et à compter de ce moment-là, Françoise va régulièrement bénéficier de la libéralité royale en guise de dédommagement pour la gêne occasionnée. Argument qui est toujours associé à la considération que le roi a pour la dame. Donc on a vraiment un mélange des registres. Alors tout d'abord, faisant valoir, je cite, que sa terre est fort peuplée d'habitants, marchands et artisans, fertiles en grains, bestiaux et autres marchandises, Françoise requiert la création d'un marché hebdomadaire et de 4 foires annuelles. Le roi va accéder à cette requête dès le mois de mai 1686. Quelques mois plus tard, en octobre, il va lui octroyer d'autres privilèges sur les rivières, les digues, les écluses et les littoraux qui sont situés dans l'étendue de Maintenon. Mais le don le plus important, sans conteste, date de l'année suivante, de 1687, puisque dans un brevet du 13 juillet, Louis XIV va ordonner l'acquisition d'un domaine entier dans le but clairement exprimé d'en faire don à Françoise d'Aubigné. Donc ce type de geste est proprement exceptionnel. Sur toute la période qui couvre le règne d'Henri IV et celui de Louis XIV, je n'ai pas trouvé d'équivalent pour ce qui concerne les dames de la faveur. à savoir ce geste consistant pour le roi à faire acheter un domaine qu'il va donner directement. Donc la justification, comme je vous le disais, qui est donnée pour justifier ce don est double. On a d'abord la nécessité de pourvoir au dédommagement de la dame de Maintenon, mais aussi la volonté de lui donner des marques de la considération que Sa Majesté a pour elle. Et donc c'est ainsi que finalement, le 31 juillet, donc 1687, le marquis de Louvois, donc qui est surintendant des bâtiments, va se retrouver chez le notaire pour acquérir les terres de Grognol, La Folie, Changet, Saint-Piat, bon, je vous épargne l'ensemble de la liste parce qu'il y en a beaucoup, terres qui sont cédées par le prince et la princesse de Fürstenberg. Donc le prix de ces terres est autrement plus élevé que celui de Maintenon et du Parc, puisque le total monte à 330 000 livres. Somme qui est entièrement à la charge du roi et donc du trésor royal. On retrouve le détail des paiements dans les comptes des bâtiments. Ce don donc de Grognol, vous pouvez l'imaginer, est fondamental pour la construction de la fortune patrimoniale de Françoise d'Aubigné, puisqu'il lui permet de doubler la superficie de son domaine, comme on peut s'en apercevoir en regardant cette carte. Je ne sais pas si c'est très visible, mais donc situé au sud de Maintenon. Et donc, ça permet vraiment de doubler l'ensemble. Et donc, finalement, l'ensemble du domaine possédé par Françoise d'Aubigné devient suffisamment imposant pour pouvoir porter une dignité plus haute, sachant que jusqu'à présent, Maintenon restait une châtellenie. Et en effet, dès le mois de mai 1688, l'érection en marquisat a lieu. De nouveau, elle est justifiée par la considération que le roi dit avoir pour la bénéficiaire, mais aussi par l'ancienneté des terres et les beaux droits, c'est le mot qui est utilisé, les beaux droits qui y sont attachés, sachant que ces beaux droits ont largement été attribués par Louis XIV à Françoise d'Aubigné elle-même. Donc on a un raisonnement qui est quand même assez tautologique ici. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est qu'au moment de l'érection de Maintenon à marquisat, tous les domaines situés à proximité, donc Grognol, etc., sont unis au marquisat, donc ils forment un ensemble à peu près homogène. Donc ce panorama des années 1674-1688 confirme que Françoise d'Aubigné a bénéficié d'une faveur royale particulièrement efficace et exceptionnelle, lui permettant de cumuler un patrimoine foncier conséquent en à peine 15 ans. Mais quelle a été finalement l'efficience sociale de cette évolution ? Autrement dit, quel a été l'intérêt à être marquise de Maintenon ? Le premier changement que l'on perçoit à travers les sources concerne sa manière de se présenter, qui évolue à deux niveaux. D'abord, dans le nom qu'elle arbore. Avant 1675, Françoise est désignée par son nom de veuve, à savoir le nom de son défunt époux, Paul Scarron. Ainsi, dans le contrat de vente de Maintenon, elle se fait appeler, comme vous pouvez le voir à la première ligne, Françoise d'Aubigné, veuve de messire Paul Scarron, sieur des Fougerets, conseiller du roi en ses conseils. Mais peu à peu, à partir de 1675, elle fait suivre son nom de naissance de ses nouveaux titres et terres, repoussant progressivement le nom de son mari décédé à la fin de ses titulatures. Dans l'une de ses lettres, elle affirme que le changement intervient précisément dès le mois de février 1675, après que le roi, je cite, « m'a nommée Madame de Maintenon ». Dans les écrits des contemporains comme dans les actes officiels, cette évolution est sensible. Les notaires la citent désormais comme Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, veuve de messire Paul Scarron, etc. C'est à compter du début des années 1680, soit au moment du mariage secret avec Louis XIV, qu'elle abandonne définitivement le nom de Scarron pour ne conserver que son nom de naissance et son nom de terre. Dans les actes notariés, elle est désormais seulement Françoise d'Aubigné ou d'Aubigné, marquise de Maintenon. De la sorte, elle cherche à insister sur son identité nobiliaire attachée à la terre, tout en effaçant les traces de son passé. Non seulement Françoise porte désormais le nom de sa terre plutôt que celui de son défunt époux, mais elle arbore également une dignité plus élevée, avant même que son domaine ne soit officiellement érigé en marquisat. Dès le mois de février 1675, elle se fait déjà appeler, je cite, « haute et puissante dame, dame Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon ». Donc vous remarquerez les épithètes d'honneur, haute et puissante dame, qui généralement sont attribuées à des duchesses ou des marquises, effectivement. À compter de cette date, elle prend souvent le titre de marquise dans les actes notariés, en particulier dans ceux où son caractère seigneurial a besoin d'être affirmée, mais ce n'est pas systématique. On trouve parfois la mention châtelaine ou dame de Maintenon. De son côté, le roi, dans ses brevets, la nomme marquise de Maintenon dès les années 1675-1680, et les contemporains aussi, notamment le marquis de Sourches, qui parle de la marquise de Maintenon dès 1681. Donc cette dénomination de marquise de Maintenon reste finalement longtemps un titre de courtoisie qui ne s'appuie sur aucune réalité matérielle. Seule l'érection en marquisat, qui est assez tardive, en 1688, soit plus de 10 ans après l'acquisition, permet de donner un caractère officiel à cette situation. L'évolution sociale que connaît Françoise d'Aubigné après l'achat de Maintenon est cependant plus sensible dans la manière dont elle se fait appeler que dans la place qu'elle tient à la cour. En effet, en 1674, elle y fait encore peu d'apparitions. Dans les années qui suivent, elle quitte même souvent la cour, d'abord pour accompagner le duc du Maine aux Hauts-de-Barèges, et puis ensuite pour se rendre à Maintenon, puisque c'est entre 1676 et 1678 qu'elle s'y rendra le plus fréquemment. Donc je ne vais pas revenir dans le détail sur cette question, mais finalement il est juste important de noter que sa véritable distinction dans la société de cour arrivera en fait au début de l'année 1680, fin 1679, début 1680, lorsqu'elle est nommée seconde dame d'Atours de la dauphine Marianne-Christine de Bavière. C'est à ce titre qu'elle occupera un rang dans les cérémonies royales et participera au quotidien princier. Donc ce n'est pas la possession de son domaine, mais la charge qu'elle occupe, qui est d'ailleurs créée spécialement pour elle, encore un geste exceptionnel du roi. Donc ce n'est pas la possession de son domaine, mais la charge qu'elle occupe qui permet à Françoise de connaître un avancement social à la cour en se faisant une place dans la hiérarchie des rangs. Néanmoins, l'acquisition de Maintenon revêt une dimension honorifique importante, qu'elle soit symbolique à travers le nom ou plus concrète. En effet, posséder une terre noble lui confère un pouvoir réel sur un territoire et sur des individus. Elle se place ainsi à la tête d'un réseau d'intendants et de chargés d'affaires qu'elle choisit elle-même parmi ses hommes de confiance. Elle nomme notamment un procureur général auquel elle délègue le pouvoir de régir et gouverner ses biens. Donc ce rôle, en résumé, consiste à signer des baux, à tenir des comptes, à percevoir les recettes du domaine et, si nécessaire, à poursuivre des actions en justice. Le premier qui est nommé à ce poste s'appelle Jean Viette. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà rencontré. C'est un ancien avoué de Scarron qui est au service donc, de Françoise d'Aubigné depuis des années. Au décès de Jean Viette, en 1686, Françoise choisit Pierre Delpech, secrétaire du roi, qui travaille déjà pour elle, lui aussi, mais à l'administration de Saint-Cyr. Madame de Maintenon peut également compter sur Guillaume Boutet, sieur de Guignonville, et son épouse, qui servait déjà les propriétaires précédents de Maintenon. Elle confiait à ce couple les affaires plus particulières du château, notamment les commandes de bois, de vin, de nourriture, les rémunérations des officiers, etc., dont on a un certain nombre de détails dans les comptes conservés aux archives départementales d'Eure-et-Loire. Pour autant, ce n'est pas parce qu'elle délègue la gestion courante que Françoise s'en désintéresse, bien au contraire. Les hommes qu'elle nomme sont à la fois des gestionnaires et des interlocuteurs privilégiés qui doivent régulièrement lui rendre des comptes. De l'analyse des ordres donnés par le biais de ses lettres, Dominique Picot conclut, je cite, que Françoise s'intéresse à tout, se mêle de tout et a des idées sur tout. Et c'est vraiment l'impression que laisse aussi l'examen des bilans comptables qui lui sont envoyés par ses intendants et dont voici un exemple. Depuis Saint-Germain, Versailles ou Saint-Cyr, elle date et appose sa signature au bas de chacun de ses comptes pour les valider et elle rajoute même parfois quelques lignes et même beaucoup de lignes, à la fin. Donc là, on peut le voir sur la page de droite, c'est une page autographe de Françoise d'Aubigné, dans laquelle elle précise, elle fait le bilan comptable, en fait, de l'exercice qui lui est rendu. D'ailleurs, la déférence qui transparaît de ces documents est une preuve supplémentaire du pouvoir qu'elle exerce et de l'honneur qu'elle en retire. À titre d'exemple, je souhaite vous citer l'introduction d'un registre qui est rédigé à son intention en 1692, et que voici. Ça commence ainsi. À Madame la Marquise de Maintenon. Madame, quoique l'éclat de cet illustre rang que vous tenez en ce royaume et dans le monde me prescrive un respectueux silence, mon devoir néanmoins m'oblige de le rompre pour présenter au pied de votre grandeur l'inventaire que j'ai eu l'honneur de faire. Quand même. Il s'agit de l'inventaire des titres de Maintenon. Donc c'est quand même un inventaire important, mais on voit toute l'importance de la déférence. Les protections donc, que Françoise accorde et les droits qu'elle perçoit en tant que seigneur, ou plutôt dame de Maintenon, sont une autre source d'honneur qui participe à affirmer son identité nobiliaire. Elle reçoit des cadeaux alimentaires et des rentes de la part des habitants de ses domaines, ainsi que de ses vassaux, qui lui doivent foi et hommage et serment de fidélité. Elle a également la main sur la nomination des curés et des vicaires. De son côté, elle se doit d'assumer des devoirs liés à son statut de châtelaine. Chaque année, elle consacre plusieurs dépenses à l'entretien des bâtiments dont elle est propriétaire, son château bien évidemment, mais aussi les fermes, les moulins, les pressoirs, les ponts et chaussées, les greniers. On a vraiment, ça peut être très important en termes financiers comme coût. Pour répondre aux préoccupations charitables qu'on lui connaît, mais aussi pour s'inscrire dans l'éthos nobiliaire, elle protège en particulier les églises paroissiales et les presbytères qu'elle fait réparer. Elle fonde aussi de nouveaux établissements, notamment une blanchisserie, une manufacture de toiles et un hôpital destiné à accueillir les pauvres malades du lieu. Dans une perspective cette fois plus personnelle, le fait de posséder son propre château lui permet d'accueillir et d'héberger des parents démunis, notamment les enfants bâtards de son frère Toscan et Charlot. En somme, la détention d'un domaine tel que Maintenon permet à Françoise d'Aubigné d'exercer charité et pouvoir sur les hommes et sur la terre, et donc de s'approprier de forts marqueurs sociaux de la noblesse ancienne et traditionnelle. Je vous propose enfin, pour terminer avec ma troisième partie, de m'attarder cette fois sur les questions plus proprement matérielles, afin de voir dans quelle mesure Maintenon a pu être ou non une bonne affaire. Une première chose à noter à cet égard est que l'acquisition du domaine en 1674 n'a pas été aussi aisée qu'il n'y paraît, et ce malgré l'aide substantielle apportée par le roi. L'affaire finalement est assez longue et compliquée. Donc voici une brève chronologie que je vais vous commenter qui concerne toute la procédure d'achat de Maintenon. Donc évidemment, la procédure commence avec la signature de l'acte d'achat, mais ce n'est que le début. À cela vont faire suite de nombreuses procédures, plus ou moins longues et toujours coûteuses. A d'abord lieu, donc évidemment, une première vague de paiement au plus ancien créancier du vendeur. Ensuite vient le paiement de droits féodaux au seigneur, auquel Françoise doit rendre foi et hommage, puisqu'elle a des vassaux, mais est elle-même vassale. C'est alors seulement, en mai 1675, qu'elle prend officiellement possession des lieux par le biais du sieur de Guignonville. Mais la procédure ne s'arrête pas là, car par sécurité, Françoise demande la réalisation d'un décret d'adjudication afin de recenser toutes les hypothèques portées sur son nouveau domaine. L'enquête se termine le 28 novembre 1675 et débouche sur une seconde vague de paiement. Mais à ce moment-là, va éclater un conflit avec les vendeurs portant sur le calcul des intérêts à verser aux créanciers. Alors je vous passe le détail, c'est une affaire extrêmement compliquée qui porte sur des points très divers. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que l'affaire commence donc en 1675, fin 1675, elle est portée devant les requêtes de l'hôtel, une première cour souveraine, et ensuite il y a une procédure d'appel qui est lancée devant le Parlement, et finalement l'arrêt définitif du Parlement n'est rendu que le 28 juillet 1685. Donc c'est extrêmement tardif. Finalement, entre le paiement de Maintenon, les intérêts, les frais de notaire, les frais d'avocat, s'écoule plus de 10 années, durant lesquelles Françoise a déboursé un total de presque 260 000 livres. Pour compléter le don royal, elle est contrainte d'emprunter à plusieurs reprises pour presque 50 000 livres. Donc elle s'endette en partie pour acheter Maintenon. En outre, même si elle a achevé le paiement de Maintenon en 1685, les frais ne s'arrêtent pas là. Puisque quand le roi va en faire un marquisat, il va placer directement ce marquisat sous la mouvance de sa couronne, ce qui va impliquer un rattachement de la justice d'appel de Maintenon au Parlement de Paris. Ce qu'il faut en retenir, c'est que finalement les seigneurs dont dépendait Maintenon perdent les droits qu'ils exerçaient en tant que seigneurs, notamment des droits en matière fiscale et judiciaire. Et donc Françoise va devoir les dédommager, les indemniser, et elle le fera entre 1689 et 1698, ce qui lui coûtera la bagatelle de 75 000 livres en tout. Donc finalement, si on prend en compte L'ensemble des dépenses qui ont été effectuées entre 1674 et 1698, il s'avère que la constitution du marquisat de Maintenon, avec Grognol, a coûté plus de 720 000 livres au total, dont plus de 55% ont été pris en charge personnellement par Françoise, et je ne parle même pas des travaux de restauration du château. Donc la conclusion, c'est que son élévation en dignité a eu un prix très élevé. Alors, il faut quand même noter que Maintenon rapporte bien entendu des revenus. Dans une lettre que Françoise écrit à son frère en février 1675, elle estime ses revenus à 10 000 livres par an, 12 000 livres dans 2 ans, précise-t-elle. 3 ans plus tard, elle va revoir cette estimation à la baisse, précisant que finalement la dépense dépasse souvent la recette. Alors, ces lettres nous ont laissé à penser que finalement son domaine lui avait rapporté assez peu. Alors j'ai regardé dans les sources comptables et il s'avère qu'en effet, au début en tout cas, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'en février 1675, elle va concéder un bail général, c'est-à-dire qu'elle délaisse la gestion entière du domaine au sieur de Guignonville, pour un loyer qu'il lui verse chaque année de 10 200 livres par an, augmenté à 11 000 livres en 1677. En 1679, le bail comprend cette fois les terres de Bois-Richeux, etc., acquises en 1679, et donc ça fait monter le loyer à 15 000 livres. Il est possible que le revenu qui est fixé dans ces baux, donc les 15 000 livres en l'occurrence, ne soit pas régulièrement versé. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre Françoise dans ses lettres. D'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir dans quelques comptes, effectivement, en 1675-76, l'essentiel de la recette sert à couvrir les dépenses du domaine et notamment les travaux. Cependant, il faut quand même noter que ce loyer ne constitue pas l'unique revenu que Françoise tire de ses terres, puisqu'elle cède aussi un certain nombre de baux particuliers individuels qui lui rapportent parfois quand même des sommes. Ça peut monter à un total de plus de 5 000 livres. Alors, il y a un changement assez important qui intervient dans les années 1686-87, puisqu'avec l'acquisition de Grognol, le domaine de Maintenon gagne 10 000 livres par an de revenus. Mais, par contre, plus aucun bail général n'est concédé pour Maintenon. C'est-à-dire que les différents droits et ressources de Maintenon sont affermés individuellement, ce qui fait perdre évidemment en valeur sur le revenu. Donc la recette de Grognol va rester stable pendant toutes ces années, mais celle de Maintenon va chuter de plus de 50% entre 1687 et 1693, probablement en raison de l'abandon progressif des travaux de l'aqueduc, qui laisse les terres en piteux état. Cela explique aussi les dons que Louis XIV va faire à Françoise. Donc, outre ceux que j'ai déjà évoqués, il y en a un autre en novembre 1689, dans lequel il lui délaisse toutes les constructions et embellissements faits aux frais de son trésor pour le château de Maintenon, notamment l'élévation de la nouvelle aile, la décoration intérieure du corps central, la reconstruction des écuries et du pont-levis, et la construction de plusieurs bâtiments dans le parc. En octobre 1704 et mars 1705, il lui abandonne le droit de rendre l'heure navigable. Et pour ce faire, lui délaisse les droits de péage, les écluses, les digues et les carrières d'Épernon et de Galardon. Donc Françoise va quand même tenter de mener à bien ce projet de navigation sur la rivière d'Eure. Personnellement, elle va essayer. Elle va même passer un marché avec un entrepreneur le 23 janvier 1705. Donc juste pour information, voilà un extrait du devis. On a des dessins des ouvrages que voici. On a même une carte, je ne sais pas si c'est très visible, mais une carte dépliable de la rivière de l'Eure avec toutes les constructions qui devraient y être faites. Donc finalement, le total du projet est estimé à 332 000 livres. Donc c'est énorme comparé au prix d'achat des domaines. Mais finalement, comme Louis XIV, Françoise abandonnera ce projet en 1708. Et pour les frais avancés, elle obtiendra une compensation financière de la part de Louis XIV, compensation qui s'élève à environ 300 000 livres. Donc quelques mots de conclusion, je vois que je suis un tout petit peu en retard. L'achat puis l'élévation du domaine en marquisat, et puis ensuite la construction puis l'abandon de l'aqueduc royal, portent un important préjudice économique à Madame de Maintenon. Cependant largement compensé par des concessions royales, on peut le dire, assez conséquentes. En somme, en à peine 2 décennies, Françoise parvient à accumuler une fortune considérable qui excède les 600 000 livres rien que pour les terres, alors qu'elle n'avait aucun héritage au départ, ce qui est tout bonnement exceptionnel sous l'Ancien Régime. À partir de 1687, ces terres lui rapportent personnellement dans sa poche, puisqu'on a le détail des versements qui lui sont faits chaque trimestre. Donc elle touche une rente qui varie de 16 000 à 28 000 livres par an, sans compter sa pension, qui est augmentée à 9 000 livres en 1691. Donc elle a un revenu très important. Pour vous donner un ordre de comparaison, une autre dame de la faveur, Louise de Lavallière, possédait un duché qui valait 750 000 livres et qui lui rapportait à peine 20 000 livres. Elle n'avait pas de pension. Madame de Montespan, quant à elle, touchait 20 000 livres aussi de Clagny. Bon, elle touchait une pension très élevée à côté, cela dit. Donc toutes ces femmes, y compris Françoise d'Aubigné, se placent au niveau de la fortune patrimoniale dans les mêmes ordres de comparaison que les ducs et pairs, ce qui n'est pas peu dire, même si elles restent un peu inférieures. Donc le portrait qui se dessine ici de Françoise d'Aubigné tend un peu à nuancer le désintéressement qui lui est souvent attribué. Bien entendu, l'enjeu avec l'achat de Maintenon n'était pas seulement économique, loin de là. En se construisant un ensemble patrimonial, il s'agissait surtout pour elle d'affirmer son identité sociale et de s'inscrire dans un éthos nobiliaire, autant sur un mode symbolique qu'au niveau local. Cependant, il s'agissait aussi de s'aligner sur les autres courtisans au niveau foncier, en possédant sa propre maison de plaisance et en disposant d'une source de revenus personnelle équivalente à la leur. Ce faisant, elle se rapprochait de la norme sociale qui était celle de la cour, mais s'écartait des normes de genre en devenant, pour reprendre une expression chère à Dominique Picot, une véritable femme d'affaires. Je vous remercie pour votre écoute.